L'impression qu'ils nous ont maudit. Oh là que c'est tout noir dans nos vies. Je raconterai moi chez ce que j'ai vu. Pardonne mais j'ai tout retenu. J'ai salivé comme tous mes rats qui sont en crise toute l'année. Galère encore, je me mélange à des putes qui se disent mes amis. Des profiteurs qui parlent sur moi mais ils me disent elle aime la mif. Mes rohans ont dit veulent sortir, veulent pas le colis fin d'année. C'est ça le business, hein, faut pas ça t'nique. J'aime trop la vitesse, moi surtout quand j'ai bu. Ça passe tout droit au parlu. 25 dans le cul, 4-5 bisous dans le cou. Mon poteau il me répond plus. Ça passe tout droit au parlu. 25 dans le cul, 4-5 bisous dans le cou. Mon poteau il me répond plus. De façon y'a pas plus pire que la pyramide. Mais là y'a quand même des vrais. Moi rien qui m'achète la mise. On trique après on parle des fesses. Elle veut des grosses fesses. Elle bosse, elle fait de la fitness. Pendant qu'elle me tue la zone. Oh mi corazón. Ça dramatise la course à l'espèce. Ça critique mes kisses envers ma personne. Non j'suis pas le seul. T'es branché sur 3 sous-sous. Qui a plus de 23 soucis. 25 années dans le zoo. Pas dit qu'on se barre d'ici. Moi je fais des millions de vues, mais je fais pas des millions d'euros. Putain de buzz rend tous les gens, je vois qu'il atteint même mes frérots. Moi je fais des millions de vues, mais je fais pas des millions d'euros. Putain de buzz rend tous les gens, je vois qu'il atteint même mes frérots. Mauvaise nouvelle, j'ai l'habitude, la prison, toutes ces procédures. J'ai l'habitude, je suis ni seul où j'habite, ça pue, ça sent la rue, ça sent la merde. Grosse peine, ça pue les assises. Ils veulent les rôles, les faire passer tout sur l'assise pendant qu'on tombe péter l'hiver. Pour tous les petits mineurs, pour toutes les misses à la meuf qui tournent avec sourire sans pleurs et nous le chronique tout.